en édition spéciale. Moi, je suis ministre du président de la République et du Premier ministre dans la police. Et ils en ont marre. Ça m'a obligé à changer, à réfléchir. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on croit que c'est mon devoir de faire ça? C'est inhumain. Vous vous rendez compte? Vous croyez que j'ai que ça à faire? De mon côté, moi, je pense que la question qui est posée est simple. Qu'est-ce qui se passe en France? Chaudenois, Clichy, Sous-Bois. Des flics boréens, là du ton facile, on importe la frette d'Armède. C'est sport, tu tout vis devant. Il était près de 20h qu'on est nul en règne du inconscient et couvert de bleu. Plus tard, nous avons su qu'il était tombé dans les comas de Vittel. Le silence est arrivé premier. Après tout le monde de rage, que nous n'avons même plus le temps de compter jusqu'à 10. Et dans l'air, l'écho des mots de moustache. Hay algo aquí que va mal. Hay algo aquí que va mal. Ya sé que a ti te da igual. Pero hay algo aquí que no va. Nous sommes partie d'une foutue société, de d'une fourmilière. Ce monde est la misère de notre capacité pour la rage, la révolte. Ceux d'en haut ont leur merde et télévision, et nous on a rien. Après c'est peine qu'on commence à brûler des bagnoles pour que notre message entre en circulation. La loi de leur physique ne marche plus. Et ils croient que le couteau chauffe et fendre le beurre. Et ils flashent qu'on se lucide le sens. De tous les ministres ensemble et ne me parle pas d'intégration. Vous êtes cerclés, à vous de vous démerder maintenant. C'est l'écho des mots de Moustache, pas de justice, pas de paix.